Et bien là, là-dessus, c'est quand vous avez une démonstration, la coupe à la française, c'était la poignée devant, comme ça, voilà. Tout simplement, vous faisiez des poignées. Les Italiens mettaient la main comme ça, en travers, et les Espagnols, le genou, et tout le tour, comme ça. Ça, il faut faire des photos. Quand c'est la saison de la lavande, il faut faire des photos. Après, bon, ben, la rapidité entre les Espagnols et les Italiens, c'était quand la lavande était longue. Belle année. Les Espagnols allaient plus vite que les Italiens. Mais quand elle était courte, les Espagnols, ils se faisaient manger bien quelques plants sur l'arrêt parce qu'il a frappé comme ça. Devant, comme il fait Émile Giraud. Tu te rappelles comme il faisait Émile Giraud quand il disait Espeillant, Espeillant de Thauram. Lui, il coupait comme ça, il coupait pas la main inverse. Il envoyait la main comme ça. Le geste, c'est pratiquement le même. Mais bon, on travaille à 5 doigts, l'autre, on travaille avec le pouce pour la serrer contre. Et c'est vrai que bon, ça, il faut le voir, quoi. Faut le filmer. C'est vrai que. Vous vous souvenez de chants de travail? Les gens chantaient quand ils travaillaient. J'entends? Oui. Non. J'ai jamais vu chanter les gens. Moi, je vais vous dire pourquoi ils ne chanteraient pas, les gens. Je vais vous dire pour la simple raison, et nous, on ne chante pas non plus. Même qu'on soit toute une équipe de jeunes. Des fois, on sort une bulle pour faire rire les autres. Parce que si vous voulez arriver, parce que ça, ils le savaient aussi, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Si vous voulez sortir une huile correcte, une huile qui est de rentabilité, c'est à 11h du matin ou à 2h de l'après-midi en plein cagnard que vous coupez. Parce que le phénomène du soleil la réchauffe, la réverbération des cailloux, il vous fait monter l'estrès à la plante. Et les coupeurs, quand vous coupez de la lavande, si vous la coupez à midi en plein soleil, et sur un champ de 2 hectares, vous faites une différence de 4 à 5 kilos. Si vous la coupez à 5h du matin, l'essence, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et c'est pour ça que tout le monde il en a jusque-là, c'est plombé, il fait trop chaud. Et puis, ben voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le temps de chanter, parce que s'ils parlent beaucoup, après ils ont soif. Et comme le patron, il a horreur de voir quelqu'un à l'ombre, bon,